Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache, deuxième saison, partage de minuit. Les puissants sont souvent des ratés du bonheur, de là vient... Et qu'il ne soit pas tendre. 57 rue de Varennes. Sixième épisode. Ah, je hais les fictions et les narrateurs. Surtout les fictions politiques. Triste chronique. Mais vous m'êtes sympathique et il faut finir ce qui a été commencé. Approchez donc, mes amis, vous montez légèrement le son et installez-vous confortablement pour écouter la suite des lamentables aventures de Pierre-Yves Gerland, le premier ministre de la France. Rappelez-vous, mes amis, une saison a passé durant laquelle notre pauvre héros fut confronté à une crise sans précédent. La disparition mystérieuse lors des vacances en Afrique de Jean-Philippe Bélanski, son ministre de la Santé et ex-trésorier du parti présidentiel. Nous comprîmes rapidement que ce dernier avait organisé son propre enlèvement pour s'attirer la sympathie des médias. Mais après avoir retrouvé sa trace, le premier ministre Gerland fut contraint de donner l'ordre terrible de faire assassiner secrètement le ministre de la Santé. Par malheur, un correspondant anonyme en informa Pablo Mercadal, le ministre de l'Intérieur et principal rival politique du premier ministre Gerland. Une saison a passé. Après 16 ans, le sang a coulé et les fauves enfin. Retrouvons nos protagonistes quelques semaines après ces sinistres événements. Nous voilà, des réchefs, dans le bureau du Premier ministre, entouré de tous ses collaborateurs. La base politique reprend ses droits. Nous sommes le dimanche 6 mars. Il est 18h et des bananes. Antoine, ils s'en sont où au service informatique? J'espère rétablir d'ici 30 minutes, monsieur. La ligne sécurisée qui a sauté, il faut relancer toute l'installation. Ah, c'est bien la journée pour une panne réseau. Bonne Murphy. Quoi? Dans une demi-heure, il sera trop tard. Les résultats seront tombés. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils foutent? Quelle heure il est? 18h15. Ils ont le bon numéro de fax au moins. Armel! Oui, monsieur. J'ai fait des tests d'envoi avec tous les instituts vers 17h. Ça fonctionne normalement. La Saufresse a même dû ressortir un vieux fax de sa cave, mais ça fonctionne. Et moi, je voudrais pas jouer les Cassandres, mais la dernière fois que c'est sorti si tard, c'est quand le grand frisé s'est fait éjecter au premier tour. Je me souviens, TNS n'osait pas envoyer les chiffres. Ils croyaient cette... Et commençons pas à dramatiser. Ce ne sont que des législatives partielles. C'est bien, Pierre-Yves. Tu rôdes tes éléments de langage pour les plateaux télé. Ah, ça y est. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pourquoi ça sent pas? Vas-y, mollo, Hakim, c'est une antiquité. Sors pas, mais c'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur. Tout à l'heure, ça me semblait. Permettez, monsieur le Premier ministre. Vous êtes réparateur de fax aussi, Antoine? On avait le même modèle quand j'étais en stage à la préfecture de Morlaix. Au bruit, je dirais qu'il est possible que ce soit un bourrage papier. Un bourrage papier? Mais attends, Pierre-Yves, casse pas tout. Bon, je vais appeler l'Institut directement, ça ira plus vite. Mais bordel, qui se sert d'un fax au 20e siècle? 21e. Réparez-nous ce machin, Antoine, au lieu de faire des commentaires historiques. Un fax? Non, Laurent, si t'arrives à les joindre, t'as qu'à leur demander de nous envoyer les résultats par pigeon voyageur. Si vous permettez que j'accède... Guenel, c'est Laurent. Il passe pas votre fax, là. Ah. Je sais pas, ça doit être votre machine. Non, non, renvoie rien, tu vas me dicter les résultats, ça ira aussi vite. Hakim, s'il te plaît, tu peux passer là. Ouais, tiens, noter. Tiens. Vas-y, Guenel, je t'écoute. Hein? Pas bon, comment? Bon, bah vas-y. Ouais, mais qu'elle donne juste nos résultats, là, on fera la soustraction. Chalon, 48,7. Oh. Merde, ça pouvait passer, hein. Je t'avais dit, Christian, qu'on aurait dû y retourner. Combien, Dieppe? Oh, Pierre-Yves. 44,2 à Dieppe. 44, putain de bornes! C'était bien bourrage. 12 points d'écœur. Là, c'est plus une défaite, là, c'est carrément... Et c'est parce que le bac est presque vide. On avait le même problème à Morlaix. Je vais chercher une ramette de papier. Laurence, demande-leur pour Dole. Guenel, t'as les chiffres pour Dole? Dole. Merci, président. Alors, pardon? Non, mais... Marcel, attendez. S'il vous plaît, silence, hein, je décroche. Oui, monsieur le président. Mais courage, à Matignon, le jardin est beaucoup plus grand qu'ici. Les tours sont 4 fois plus longs. Oh là là, rappelle-moi de te filer, madame, quand tu seras nommé Premier ministre. Tu sais bien que je peux pas me passer de toi, David. Allez, au moins un tour. Sans moi, va falloir arrêter, hein. Sinon toute la presse va titrer que le ministre de l'Intérieur a tué son dire-cab en lui faisant faire un footing trop rapide et trop tôt. Tais-toi et cours. Le footing du lundi matin, ça fait partie de ta fiche de poste. Une fois par semaine. C'est le minimum, sinon tu vas finir gros lard comme l'autre. Tu connais la dernière vacherie de Pelletier ? Non. Il raconte partout que pour rester en forme, il fait 3 fois le tour de Gerland tous les matins. Ne me fais pas rigoler, s'il te plaît. Là. Oh, j'ai déjà un point de côté, là. 7h30, c'est trop tôt, Pablo. Et puis, je sais pas ce que t'as bouffé ce matin. Tu cours encore plus vite que d'habitude. Dopamine électorale. La presse, ça raconte quoi ? J'ai pas tout lu, mais il n'y a pas grand-chose, hein, je crois. Souligne quand même tout ce que les proches de Gerland se sont fait laminer. Très bien. Et dis à Stéphanie d'appeler aussi quelques rédactions pour marteler que les seuls qui ont sauvé leur siège, c'est à moi qu'ils le doivent. Mais quelle heure ? Tu pourrais prendre ta montre. Mais je cours pas avec, elle est trop lourde. On court depuis 22 minutes et 17 secondes. Non, basta, là, j'arrête. Je vais crever. Là. Pablo, tu veux pas arrêter de courir sur place ? Tu me fatigues, on dirait un hamster. Mais près de ta montre, j'ai fait un tour de plus. Ah, qu'est-ce que je voulais dire ? Michaka, ça dit quelque chose ? La marque de chocolat ? Mais non, du con, Michaka. Oui, attends. Je connais un Michaka, je crois, à la DGSE. Il doit être colonel ou lieutenant. Ouais, c'est lui. Gerland l'aurait reçu discrètement au moment de l'enlèvement de Belansky, mi-janvier. Et c'est de savoir ce qu'ils se sont dit. Attends, Pablo, là, t'es marrant. Ça sort d'où ton info ? Et on va pas espionner la DGSE depuis Beauvau ? Démerde-toi ! J'ai dit à Stéphanie de passer des coups de fil au rédac, hein, ce matin. Et j'attends toujours ton rapport sur les listings de financement. Putain. Et on est seulement lundi matin. Bon, bonjour à tous. Je suis ravi de constater qu'il règne une ambiance chaleureuse au sein de ce cabinet, mais vous vous raconterez votre dimanche un peu plus tard. Tu parles du week-end, je te permets. N'est-ce pas, Joachim ? Merci. Je vous rappelle que le lundi, notre réunion est à 8h30, pas 8h40 ou 8h45. J'aimerais ne pas avoir à le répéter toutes les semaines. Et ce matin, il nous reste à peine 5 minutes avant le départ de Pierre-Yves, donc on va faire très vite. Tu veux dire un mot, Pierre-Yves, avant de commencer ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je ne peux pas rester ce matin, Christian me fera un récap. On a une semaine particulièrement chargée, alors vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il ne peut pas y avoir de crise cette semaine, mon agenda est déjà plein. Juste un mot sur les résultats d'hier. Évidemment, c'est pas glorieux, je ferai aucun commentaire. Mais si vous êtes obligé de parler avec des journalistes, c'est la réponse habituelle. On conserve 3 circonscriptions sur 6. Les autres défaites étaient attendues, etc., etc. Bref, on ne change rien. Allez, vas-y, Christian. Merci, Pierre-Yves. Alors, c'est parti pour l'agenda. Antoine, c'est la dernière version, ça ? Oui, monsieur. Ok. Merci à tous de n'intervenir que si vous avez un point vraiment important à signaler, sinon on déroule. C'est parti. Ce matin, Pierre-Yves commence la semaine par son bilan médical annuel. C'est très drôle. On sait qu'il adore ça. Laurence, tu vois avec le docteur Vialet, vous faites l'envoi du communiqué officiel en fin de matinée ? Oh, lundi matin, c'est le pire moment. Les rédactions sont saturées des infos du week-end, ça va passer complètement à la trappe. C'est comme ça. C'est le seul jour où je pouvais caser cette visite médicale. Et tant mieux si personne n'en parle. Bon, allez, d'ailleurs, j'y vais. Je vous laisse finir sans moi. Bonne semaine à tous. Merci. Hakim, j'attends toujours tes corrections pour le discours. Ouais, je suis dessus. À propos du discours pour Saint-Dizier, Eric, c'est réglé le problème avec la préfecture ? Presque. Il manque seulement 2-3 accréditations journalistes. Je fais un point avec Laurence, juste après. Ah, non, vous ferez votre point en fin de matinée. Juste après, j'ai besoin de Laurence et d'Akim. Ah bon, on doit se voir. Les gens de... Bon, on déroule. Ah oui, merde. Cet après-midi, 13h, départ pour Saint-Dizier. Quand vous rentrez, 21h, ici un point avec Joyau et la DB sur dernier collectif. C'est Valérie qui s'occupait de la prépa avec Bercy, on est d'accord ? Oui, tout est prêt. Parfait. C'est tout dans l'agenda officiel pour aujourd'hui. Demain, mardi, comme d'habitude... 11h, réunion avec le groupe. 15h, question au gouvernement. 17h30. Bouche ouverte. Tous. Encore. T'as repris les cigarettes ? Le cigare, un peu. Ça s'entend. Bon. Sinon, des douleurs, des bobos ? Non. Toujours mon mal au bide. Eh ben, essaye de limiter le gluten. J'ai un gars de la campagne, moi, je sais pas faire un repas sans pain. Et à part ça, migraine, vertige, céphalée. Hein ? Maux de tête. Ah, j'entendais, ça va aller. J'espère bien que ça va aller. Non, pas de céphalée, comme tu dis. Sauf quand je dois lire certains comptes rendus de réunions interministérielles. Je peux me rhabiller ? Mais oui, vas-y. Bon, en gros, tout va bien. On va pouvoir publier un bulletin de santé soviétique. Ta tension est quand même un peu haute, mais le contraire serait surprenant. Faudrait t'arrêter de fumer, évidemment, mais t'es courant. Et oui, je note aussi colopathie fonctionnelle, fibroscopie recommandée. Oh, je vais pas bloquer une demi-journée à l'hôpital parce que j'ai un peu la chiasse. Hein. Ouais, je me doutais bien que tu dirais ça, mais je le note quand même. Ça te ferait pas de mal. T'es à l'âge où il faut commencer à surveiller. Bon, je te libère, monsieur le Premier ministre. Et au niveau psy, ça va ? Quoi ? Au niveau psy ? Ah, je suis ton médecin, je m'enquière aussi de ta santé psychique. T'enquières pas trop. Hein ? Tout va bien de ce côté-là, je travaille sans problème. C'est pas le médecin du Premier ministre qui te pose la question, c'est l'ami médecin. Tu dors bien ? Non, mais je veux dire, pas plus mal que d'habitude. Tu te sens pas particulièrement anxieux ou déprimé ? Comme un Premier ministre après 18 mois de mandat qui vient de se prendre une dérouille électorale. Tu prends des trucs en ce moment pour tenir ? J'essaie d'arrêter le café. Sinon, j'ai fini la boîte de cacheton que tu m'avais filée quand j'ai dû enchaîner les nuits blanches la semaine dernière. Super efficace, hein ? Mais la descente était trop violente, donc je préfère arrêter. Oh, de toute façon, j'en ai plus. Puis je te l'ai dit, c'était exceptionnel. On n'a même pas l'autorisation de mise sur le marché. Sinon, cocaïne toujours ? Mm-hmm. C'est ce que j'en pense. Écoute, Laurent, je bosse minimum 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Je fais en moyenne 4 déplacements par semaine en province. Il y a la moitié de mon entourage professionnel qui veut ma peau et l'autre moitié qui veut ma place. Alors, il y a longtemps que prendre du banania au petit déjeuner... Mais pas avec moi, les Jérémiades, Pierre-Yves. Vous êtes tous les mêmes, vous vous plaignez, mais vous adorez ce boulot. Et moi, je fais le mien en me disant d'arrêter la coke. Elle est de bonne qualité, au moins. Excellente. Hein. Et pas chère, en plus. Hein. On se fournit directement dans les stocks de saisie de la brigade des stupes. Tu veux que je t'en mette de côté pour vos soirées à l'ordre des médecins ? Allez, hors de ma vue. À bientôt. Et ménage-toi au maximum. Et puis, essaye de te faire un week-end avec Isabelle pour décompresser. Un week-end ? Un week-end. Généralement, mes week-ends, ils commencent le dimanche à minuit, ils finissent le lundi à 6h du matin. Alors, c'est pas l'idéal comme créneau pour organiser une escapade avec Isa. Ouais, je sais. Je sais. Écoute, on embrasse là quand même pour moi, d'accord ? Michel ? Oui, monsieur Viollet ? Je vous rends le Premier ministre. Prenez soin de lui, puisqu'il ne le fait pas lui-même. Ouais, salut. Salut. Nous sommes le lundi 7 mars, il est très exactement 8h54. Bonne semaine à tous si vous nous rejoignez. Et tout de suite, on retrouve l'édito politique de Natacha Slowalki. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et vous revenez ce matin, Natacha, sur les résultats des législatives partielles d'hier. Un coup de semonce pour le Premier ministre Gerland, dites-vous. Oui, Nicolas. Dans le flot continu de l'actualité, cette échéance intermédiaire pouvait passer presque inaperçue. C'était du moins l'intention de Matignon, qui depuis plusieurs semaines n'a de cesse d'éluder en public ce sujet et de désamorcer en off les conséquences de cette série attendue d'échecs. Mais les résultats sont pires que prévu. 3 des 6 sièges qui étaient en jeu sont tombés dans l'escarcelle de l'opposition et cette première défaite électorale pour le gouvernement Gerland aura valeur de symbole. Nicolas ? Ah ben oui, pardon, c'était à moi. Voilà. Alors pourtant, Natacha, 3 victoires, 3 défaites. C'est un résultat, somme toute, assez équilibré. En apparence, oui, Nicolas, mais en apparence seulement. Et dès hier soir, les proches du Premier ministre, qui s'est bien gardé de commenter lui-même ses résultats, avaient beau jeu d'indiquer que la casse était limitée. Mais le détail de ces résultats pourrait rebattre les cartes dans la majorité et accélérer des retournements d'alliance au sein du gouvernement. La cote de popularité du Premier ministre continue de se creuser à un niveau désormais abyssal, pour ne pas dire géologique. Oui, à ce rythme-là, Gerland va bientôt trouver du gaz de schiste. La guerre froide entre Pierre-Yves Gerland et son ministre de l'Intérieur est relancée par l'intermédiaire de leurs porte-flingues respectifs. C'est d'ailleurs un proche de Pablo Mercadal, le député Jean-Charles Pralier de Montfort, qui a dégainé le premier après les résultats d'hier dans un tweet assassin parlant d'avertissement pour la majorité. Et hier soir, Dominique Pelletier, autre proche du ministre de l'Intérieur, s'épanchait complaisamment salle des quatre colonnes auprès de nos confrères journalistes. On pouvait l'entendre répéter à l'envi que seuls des proches du ministre de l'Intérieur ont réussi à conserver leur siège, tandis qu'à Châlons-en-Champagne, Dole et surtout à Dieppe, trois proches de Pierre-Yves Gerland ont subi un échec cinglant. Et plus inquiétant encore pour Matignon, Natacha, mon petit doigt et la fiche qui est devant moi m'ont dit que le président de la République lui-même n'aurait pas caché sa déception à la vue de ses résultats. Oui, il y a quelques minutes, un important conseiller du château me confirmait que le président avait préféré appeler Pablo Mercadal plutôt que son premier ministre pour analyser les chiffres. Le président aurait personnellement félicité le ministre de l'Intérieur à cette occasion. Matignon va donc, sans surprise, développer la rhétorique d'un match nul 3-3 entre majorité et opposition, mais le véritable résultat d'hier soir marque une victoire 6-0 de Pablo Mercadal sur Pierre-Yves Gerland. Un coup de semonce pour le Premier ministre, qui va avoir de plus en plus de mal à tenir sa majorité face à l'irrépressible montée en puissance de son ministre de l'Intérieur. Merci Natacha, à demain. Bien, on a fait le tour là, Hakim. Ah, de mon côté, c'est fini. Laurence? Moi, il me resterait 3 ou 4 propositions. Je t'écoute, qu'on en finisse. Émilie Parmentier, elle est déjà officier, elle passerait commandeur. Ok, va pour la breloque. Jean-Charles Pralier de Montfort? Ah non, celui-là qui laisse se faire foutre. Mais t'as vu son tweet ce matin? Les résultats de ce soir sont un avertissement pour notre majorité. Hashtag sale con. Sale con, je crois que je vois l'idée, mais c'est quoi hashtag? Tag, hashtag. Oh, faudra t'y mettre un peu, Christian. On n'a pas le choix, c'est l'Élysée qui nous a suggéré son nom. Non, je suis d'accord avec Hakim, je mets Pralier en attente. Si le président y tient, il n'a qu'à le prendre sur ses quotas. Ensuite, t'as fini ta liste? Presque. Il me reste Yvonne Rabatel. Rabatel? Mais on va pas se mettre à décorer les maîtresses. Hakim, tu peux arrêter de commenter toutes mes propositions? Laisse-moi discuter avec Christian, s'il te plaît. Yvonne Rabatel? Pelletier a insisté. Yvonne, quel prénom. Et elle peut pas attendre la prochaine fournée? Justement, non. Elle serait très malade. Pas sûr qu'elle tienne jusqu'à la promo du 14 juillet. On la remettra à titre posthume. Je t'ai entendu, Hakim. Donc, Christian, Rabatel, c'est oui ou c'est non? Ben, je sais pas. Je vais voir avec Pierre-Yves. Ah ben, justement, j'ai une rosette à te faire trancher. Tu veux que je me lance dans la charcuterie? Bon, Hakim, qu'est-ce que tu fous avec ce discours? Je voulais le lire dans la voiture, je pars à Saint-Dizier dans moins d'une heure. Je sais, mais j'ai pas encore le don d'ubiquité. J'ai enchaîné réunion sur réunion toute la semaine dernière. Ne raconte pas ta vie et finis-moi ce discours. J'en ai marre d'improviser. T'en as pour 20 minutes. Faut t'y mettre, c'est tout. Laurence, tu peux l'aider au besoin? Mais ça va, c'est bon, j'ai pas besoin d'une babysitter. Attends, Pierre-Yves, moi aussi j'ai plein de boulot en retard. Hein. Et la babysitter t'emmerde. Pierre-Yves, qu'est-ce qu'on fait pour Yvonne Rabatel? On lui file maintenant sa décoration? Qui? Oh, oui. Voilà, qu'on en finisse. J'en suis à 12 SMS de Pelletier. Bon, Christian, il faut qu'on parle. Hakim, Laurence, vous pouvez nous laisser? On a presque fini, là. Le SGG attend la liste, ça devait passer au JO avant-hier. Donc on n'est plus à une heure près. Allez, dehors. Dehors! J'ai besoin de parler à Christian. Et on peut savoir? Qu'est-ce que t'as raconté à ton dircap qu'on n'a pas le droit d'entendre? Si un journaliste te pose la question, tu diras que t'en sais rien. Et pour une fois, ça sera vrai. Ah oui, d'accord. On vous laisse entre grandes personnes. Bah super, ça, Pierre-Yves, on fait une belle équipe. Arrête de bouder. De toute façon, je ne veux pas te revoir avant que tu aies fini le discours. Ouais, j'avais bien compris les 4 premières fois. Bon bah, puisqu'on dérange, Christian, on vous laisse. Hein. Vous me sifflez quand vous aurez besoin d'une babysitter. Bon, c'est incroyable ce que tu peux te sucer. Toi, tu peux te faire le crâne quand tu te... Ouais, les enfants, allez vous chamailler dans le couloir. Merci. Ah, je sais pas ce qui me fatigue le plus, Pierre-Yves. Tes ministres ou tes conseillers? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Jamais souffle. Arrête le cigare et reprends le rameur. Bon, ça pourra ramer. Tu m'as très bien compris. Je m'essouffle. Vraiment. Avec la déculottée d'hier, ça va craquer de partout dans le groupe. Tu t'es fait engueuler par le président ? Non. C'est pire, il a essayé de me remonter le moral. Ça sent vraiment le sapin. Et mercredi, ce connard de Mercadal va jouer les faux modestes, ils vont tous aller le féliciter discrètement. On n'a pas le choix. Faut tenir. On fait le dos rond et dans 48 heures, tout le monde sera passé à autre chose. Pas Mercadal. Et pas le président. Il faut relancer la machine maintenant, sinon c'est mort. C'est trop tôt, Pierre-Yves, pour communiquer sur une phase 2. Primo, il faut pas réagir à chaud, ça entérinerait l'idée d'une défaite. Et si tu grilles tes cartouches maintenant, t'iras pas au bout du quinquennat. Mais j'irai jamais au bout du quinquennat. Le président va pas garder le même mec à Matignon pendant 5 ans. Ça s'est déjà vu. Ouais, mais parce que tout était géré depuis le château et que le président traitait le PM comme un collaborateur. Moi, je tiendrai pas 5 ans. Physiquement, je tiendrai pas. La vie d'un premier ministre, c'est comme une échelle dans un poulailler. Elle est courte et pleine de merde. Qu'est-ce que tu proposes ? Il faut que la peur change de camp. Qu'ils se sentent tous sur la sellette. Un remaniement ? Ou sa rumeur. Ça devrait suffire. Va falloir la jouer fine avec l'Élysée. Si c'est juste une rumeur, qu'est-ce qu'on y peut ? On remanie pas, on garde la même équipe. Mais faut juste les faire flipper, ça les occupera. Une rumeur de remaniement, donc, et une reprise en main budgétaire. J'annonce un énorme plan d'économie piloté depuis Matignon. Les annonces budgétaires, Pierre-Yves, si ça servait à quelque chose... Ça sert à tenir les ministres. Et le président peut pas s'y opposer, c'est dans ses engagements de campagne. Alors, hein, qu'est-ce que t'en dis ? Mon boulot, Pierre-Yves, c'est de rendre possible ce que tu crois souhaitable. En voiture. Mais je te préviens, ça va secouer un peu. Oui, monsieur. Armel, vous m'annulez tout ce que vous pouvez, vous montez dès que possible une réunion avec... Il me faut Hervé, Jonathan, Antoine, Valérie et tout le pôle économie-finance. Vous avez de quoi noter ? Oui, monsieur. J'ai besoin que vous sortiez pour chaque participant. Le discours de politique générale de Pierre-Yves, la liste des engagements de campagne du président, toutes les notes de synthèse du pôle économie-finance depuis 2 ans, un récap des 2 derniers exercices budgétaires et le PLF. Avec les annexes, les bleus, les jaunes ? Les bleus, ça suffira. S'il vous plaît, vous ajoutez en 2 exemplaires pour Pierre-Yves et moi la bio détaillée de tous les membres du gouvernement et de tous ceux qui étaient pressentis au moment de la première compo. Bien, monsieur. Merci, Armel. Ce sera tout ? Oui, pour commencer... À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 6e épisode. Hervé Pierre. Chris Nyangona. Gilles David. Emeline Bayard. Yannick Choira, Cyril Couton, Anne Cantino, Louis-Do de Lanxin, Éric Caruso, Féodor Atkin, Vincent Nemeth, Aline Lebert, Léo Reynaud, Guillaume Clémencin, Andréa Brusque, Christophe Gros et Jérémy Sontag, Franck Chevalet, Alexandra David, Claire Foreau, Delphine Léonard. Bruitage, Elodie Fiat et Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbourg. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.